C'est tout frère, c'est pire. Qui m'a dit pour un goût la vie, je dis, c'est côté, c'est dans hier. Ma puisée, l'envie chanter, l'envie rire. Sentir moi côté moi, c'est ça qui toute force moi. L'amour, passion, les grands frissons, comme à moi. Comme en 10 ans d'y fait, toujours pas rénové. Bon Dieu fait pour nous ça durer longtemps. Mais il en vaut tout, tout, mais pour un petit moment. Chaque homme ça fait rendez-vous pour longtemps. Mais il en vaut tout, tout, mais pour un petit moment. Chaque homme ça fait rendez-vous pour longtemps. Manquer des vieux soldats à l'enfer. Pour empêcher chaque viré si la terre. C'est tout près, c'est épire. Qui m'en y trouve la joie, l'espoir. C'est côté, c'est d'envoi. Qui plaisir vivre à moi, oui, tonneur. Sentir à côté moi, des bois qu'avloper moi. La fièvre qu'a brillé tout comme moi, moi bien. Moi te crier encore, crier l'homme là si fort. Bon Dieu fait pour nous sentir toujours. Mais c'est l'amour tout, tout, mais pour un petit moment. Chaque homme ça fait rendez-vous pour longtemps. Mais c'est l'amour tout, tout, mais pour un petit moment. Savons-nous.